Swarovski, comment ça fait noir? Appelle-moi. Si tu chutes, Swarovski, comment ça fait noir? Que les enfants vont dans leur rue et qu'ils subissent. Je leur raconte toute sa petite histoire. Je leur raconte toute sa petite histoire. Le bandit à maman, super fredard, on le dit. Il pense au méchant gentil. Il pense en tant qu'adulte à Zorro, à Nessie. Il pense c'est un petit tarascan, il devient très noir. C'est un petit tarascan, il devient très noir. Que les parents fatigués regagnent leur lit. Il est là assis pour raconter des histoires. Il est là assis pour raconter des histoires. Leur mémoire est un mémoire qui raconte leur envie. Ils pensent à l'histoire de leur vie. Ils pensent leurs parents, leurs amis, leurs enfants, leurs ennemis. Ils pensent. Faire un bon genre. C'est un bagage qui faut faire un bon genre. C'est un bagage qui faut faire un bon genre.